Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de la Chapelle. Trois choses à examiner dans ce système, sa nature, sa nouveauté et son utilité. Après avoir pris ses précautions pour éviter les vrais écarts, et les digressions inutiles, je viens au fait, monsieur, et je vais vous exposer les raisons qui m'ont soulevé contre ce système. Ce détail roulera sur trois points. Premièrement, sur le système considéré en lui-même. Deuxièmement, sur sa nouveauté prétendue. Et troisièmement, sur son utilité si vantée. D'abord, je ferai voir que ce système n'est qu'une composition de l'arianisme et du sabellianisme, non mêlés ou pétris ensemble, mais attachés l'un à l'autre. Ensuite, je ferai quelques considérations sur ce qu'il y a de nouveau dans la composition de ces deux anciens systèmes, et enfin je prouverai que cette double hérésie, ainsi composée pour faire un seul tout, augmente les difficultés, et n'est qu'un tissu de contradictions très grossières. L'examen du système, l'examen de sa nouveauté, l'examen de son utilité. Voilà encore une fois, ce qui va faire le sujet de ma lettre, dans ce qui me reste à vous dire. Examen du système. Fidèle exposé du système dans les expressions de l'auteur. Quoique vous possédiez parfaitement le système, prétendu nouveau, sur la Trinité, permettez-moi, monsieur, pour votre commodité et pour la mienne, de vous en représenter ici les principes dans les expressions de l'auteur. Si je ne le faisais pas, que sais-je, si vous n'iriez point m'accuser de lui faire dire ceci ou cela qu'il n'a pas dit? Il me semble que, dans notre conversation, il survint plus d'un incident de cette nature, et je serais bien fâché d'y laisser ici le moindre prétexte. Voici donc, dans les propres termes de l'auteur, page 40 à 45, ce qu'il appelle les principes qui sont particuliers à son système. Premièrement, outre la divinité, qui est un être infiniment parfait, unique en nombre, indépendant, indivisible, il y a deux êtres intelligents finis, auxquels Dieu a donné l'existence dans un temps qui a précédé la création du monde. Deuxièmement, Dieu s'est uni à chacun de ces deux êtres intelligents finis d'une manière très étroite. Je puis appeler cette union, union personnelle, en prenant le terme de personnel dans le même sens que les orthodoxes le prennent, quand ils l'appliquent à l'union de la nature divine avec la nature humaine de Jésus-Christ. Troisièmement, l'être infiniment parfait, qui est Dieu, et ces deux êtres finis auxquels Dieu s'est uni, constituent trois personnes. Je prends le mot de personne, pour un être intelligent, uni ou non uni à un corps. Quatrièmement, la première personne, qui est le Père, c'est Dieu considéré tel qu'il est en lui-même. La seconde personne qui est le Fils, est une de ces deux intelligences finies. La troisième personne, qui est le Saint-Esprit. Cinquièmement, dans la personne du Père il n'y a qu'une seule nature, c'est la divinité toute pure. Dans chacune des deux personnes du Fils et du Saint-Esprit, il y a deux natures, savoir, une nature divine, et la même dans chacune des trois personnes, et une nature intelligente finie. Sixièmement, ces personnes sont distinguées, comme un être intelligent est distingué d'un autre être intelligent. Elles ne laissent pas d'être un, sous un certain égard, en tant que chacune des trois est Dieu, et le même Dieu que les deux autres. Huitièmement, la relation qu'il y a entre le Père et les deux autres personnes, est une relation qui a lieu entre la divinité qui est toute pure dans la personne du Père, et les deux intelligences finies. Neuvièmement, les titres de Fils et de Saint-Esprit sont des titres qui marquent les relations qu'il y a entre ces deux personnes et celles du Père. Les termes de génération et de procession marquent aussi ces mêmes relations, mais, et c'est la nature finie à quoi il les faut rapporter. Dixièmement, les titres de sagesse de Dieu et de parole de Dieu marquent aussi des relations particulières que le Fils, en qualité d'intelligence finie, a avec le Père. Onzièmement, le Fils et le Saint-Esprit, considérés en tant que Dieu, sont égaux au Père, puisqu'ils sont le même Dieu que le Père. Mais considérés en qualité de deux intelligences finies, ils sont à cet égard, inférieurs au Père, et dépendants du Père. Voilà, monsieur, ce que j'appelle le pur arianisme, cousu bout à bout pur sabellianisme, sans déguisement, et sans mélange quelconque. Pour vous en convaincre, je ne conçois que trois choses à faire. Premièrement, il faut démontrer séparément l'arianisme. Deuxièmement, il faut démontrer séparément le sabellianisme. Et troisièmement, enfin, démontrer la composition de cette double hérésie. Ce système contient l'arianisme tout pur. Ce que c'est que l'arianisme? J'y trouve l'arianisme tout pur sans l'addition d'aucun terme qui le tempère ou qui le rectifie. Par l'arianisme tout pur j'entends le sentiment d'Arius le chef, et le fondateur de la secte. Qu'était-ce que ce sentiment? Recourons aux sources pour éviter la chicane. Dispensez-moi pourtant d'une vaine ostentation de lecture. La multitude des citations est peu nécessaire. Autrement rien ne serait plus facile. Je n'allégrerai que Socrate, qui est, à mon avis, le plus exact et le plus judicieux de tous nos anciens historiens de l'Église. Socrate, Histoire ecclésiastique, livre 1, chapitre 5. Un jour, dit cet historien, en pleine assemblée de ses prêtres, et du reste du clergé, l'évêque Alexandre, s'élevant dans les spéculations théologiques, au sujet de la Trinité, posa pour principe qu'il y avait unité en Trinité. Arius, un des prêtres, homme que ne manquait pas de savoir dans la dialectique, croyant que son évêque voulait introduire le sentiment de l'Africain Sabellius, se jeta par un esprit de dispute dans l'extrémité opposée au sabellianisme. Et s'imaginant réfuter fortement ce que le prélat avait avancé, il dit « Si le Père a engendré le Fils, celui qui est engendré a un commencement d'existence. Il s'ensuit qu'il y a eu un temps où le Fils n'existait point, et par conséquent il faut de nécessité que ce Fils ait son existence personnelle, des choses qui n'existaient point. Telle est l'origine, tel est l'état primitif de cette grande querelle. Tout s'y réduisait à savoir, si le Fils était engendré de la substance du Père, ou si le Père l'avait tiré du néant comme le reste des créatures, tant intelligente que brute. Arius se déclara pour ce dernier sentiment, et n'en voulut point démordre, malgré les persécutions qu'il lui fallut essuyer, comme il paraît par deux lettres originales, in, contre les hérésies, que saint Épiphane nous a conservées. L'une de ces lettres est d'Arius lui-même à Eusèbe de Nicomédie, où cet hérésiarque dit qu'il est persécuté pour avoir soutenu que le Fils a un commencement, qu'il a été fait des choses qui n'existaient point, qu'il n'est ni une partie de Dieu, ni tiré d'aucun sujet existant. Dans l'autre, qui est d'Arius, et de ses partisans, à l'évêque Alexandre, ils disent que le Fils n'est ni éternel, ni coéternel avec le Père, ni existant, comme lui, par lui-même. Mais notez qu'ils commencent cette exposition de leur foi par une reconnaissance d'une trinité de personnes. Nous croyons, disent-ils, trois hypostases, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Remarquez aussi que bien qu'il ne se parlât point alors de la nature du Saint-Esprit, voyez, Sandius Nuel, Histoire ecclésiastique. Le symbole arien ne put qu'être le même à l'égard de cette troisième personne qu'à l'égard de la seconde. Les mêmes principes conduisaient nécessairement aux mêmes conséquences, pour l'une et pour l'autre. Détail des propositions purement ariennes qui font partie essentielle du système. Est-il besoin à présent de comparer le détail des systèmes de l'arianisme avec celui de la lettre d'un théologien pour faire sentir la parfaite conformité qui s'y trouve? On n'a qu'à se rappeler ces principes tels que nous les avons rapportés dans les propres expressions de l'auteur. Il dit, dans le premier, que le Fils et le Saint-Esprit sont deux êtres intelligents finis, auxquels Dieu a donné l'existence, dans un temps, qui a précédé la création du monde. Il dit dans le deux, que l'être infiniment parfait, qui est Dieu, et ces deux êtres finis constituent trois personnes, à prendre le mot de personne, pour un être intelligent. Il dit dans le 9, que les termes de génération et de procession, ne doivent se rapporter qu'à la nature finie, c'est-à-dire, comme il l'explique lui-même, que la seconde personne n'est pas appelée fils de Dieu, et n'a pas été engendrée, en qualité de Dieu, mais en qualité d'être intelligent fini. Il dit enfin dans le 10, que le Fils n'est la sagesse et la parole de Dieu que dans un sens relatif. N'est-ce pas dire en tout autant de mots que le Fils et le Saint-Esprit ont eu un commencement, qu'ils sont des êtres créés, qu'ils ont été tirés des choses qui n'existaient point, qu'ils ne sont ni éternels, ni co-éternels avec le Père, et que le Fils en particulier n'est ni de la substance du Père, ni existant comme lui par lui-même. Ces expressions d'Arius pouvaient-elles signifier autre chose que ce que signifie celle de l'écrit que j'examine à présent? Non sans doute, et je n'en veux pour preuve qu'un aveu de l'auteur. Page 27, il confesse avoir imaginé une seule objection qu'on lui pouvait faire du côté de l'écriture. Cette objection est prise de la génération éternelle du Fils. Si la doctrine qui professe l'éternité de cette génération est vraie, son système est accroché, et comment se tire-t-il de ce mauvais pas? Il le fait d'abord par le paradoxe le plus antiphilosophique dont on ait jamais ouï parler. Il met en doute si l'on ne peut pas dire qu'un être est éternel bien qu'il ait eu un commencement. Mais comme ce retranchement n'est pas tenable, il tranche le mot en niant que la génération du Fils soit éternelle. Le Fils, dit-il, n'est pas éternel en qualité de Fils de Dieu. Il prévoit bien que les orthodoxes zélés ne manqueront pas de crier à l'hérésie, à l'impiété. La chose était aisée à prévoir. Et je ne sais même pourquoi cet homme s'est imaginé qu'il n'y aura que les orthodoxes et les qui ne manqueront point de crier. Il n'y a point d'orthodoxe, zélé ou non, qui ne le fasse, et je voudrais bien que vous lui fissiez savoir que cet endroit de son livre est un de ceux qui ont le plus choqué tout le monde. Mais n'importe, au hasard de ce qui en pouvait arriver, et malgré les cris qu'il a prévus, il nie formellement la génération éternelle du Fils, et se jette là-dessus dans la discussion de quelques passages de l'Écriture, où je n'ai pas dessein de le suivre, parce que je ne cherche ici que les sentiments sans me proposer de les combattre. Le sabellianisme tout parfait, l'autre partie essentielle de ce système. L'auteur avoue le sabellianisme. Nous avons démontré l'arianisme tout pur de son système. Venons à présent au sabellianisme. Il est aussi tout entier, et pour s'en convaincre il me suffirait de la confession de l'auteur. Car dans l'endroit où il voudrait nous persuader, page 35, que son système diffère de fort de celui des orthodoxes, il avoue en propres termes, le sabellianisme du sien, par l'idée qu'il donne de l'autre. Il y a si peu de différence, dit-il, entre ce système et la doctrine reçue parmi les orthodoxes, qu'on peut le recevoir sans presque rien changer à leur confession de foi. Ils disent que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Dans quel système cela se peut-il dire d'une manière plus intelligible que dans le mien ? La démonstration est entière, lorsque je rappelle ce que cet écrivain avait dit auparavant, page 9, la différence qu'il y a entre eux, les orthodoxes et les sabelliens, lesquels ils condamnent comme des hérétiques, est une différence si mince, qu'il est bien difficile de dire en quoi elle consiste, si ce n'est pas dans la manière de s'exprimer. Cela s'appelle lever le masque, et parler clairement. Les orthodoxes sont sabelliens, et disent que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. L'auteur l'établit plus intelligiblement encore. Qu'est-ce donc que son système, que le sabellianisme, mieux développé à ce qu'il prétend, mais toujours le pur sabellianisme. Vrai état de la croyance des sabelliens. Cependant, comme cet auteur s'est ici couvert de ténèbres, et ne semble marcher de la catéton, permettez-moi de l'éclairer, pour mettre son système dans un jour naturel. Commençons par un fidèle exposé de la Trinité sabellienne. Je ne saurais mieux le donner que dans les paroles de Contre les hérésies, 62, page 513. Saint Épiphane que je me contenterai de traduire, parce que vous pouvez recourir à l'original, si vous le trouvez à propos. Sabellius, et ceux qui de son nom s'appellent sabelliens, enseignent que le même est le Père, que le même est le Fils, et que le même est le Saint-Esprit, de sorte que dans une seule personne, il y a trois dénominations, ou comme ce qu'il y a dans l'homme, le corps, et l'âme et l'esprit. Ainsi, disent-ils, le corps sera, pour ainsi parler, le Père, l'âme sera, pour ainsi parler, le Fils, et le Saint-Esprit sera dans la divinité comme ce qu'est l'esprit dans l'homme. Ils empruntent aussi leur comparaison du soleil, qui étant un seul corps a pourtant trois vertus, celle d'éclairer, celle d'échauffer, et celle de paraître en globe. La vertu qui échauffe, ou autrement le chaud et le bouillant, c'est l'esprit. La vertu qui éclaire, c'est le Fils. Et le Père est la forme de toute la personne. À suivre cette image, ils enseignent que le Fils sortant, comme un rayon, en certain temps, vint au monde et y fit toutes les choses qui concernent l'économie évangélique et le salut des hommes. Après quoi il fut repris au ciel, comme un rayon qui est émané du soleil, et qui y retourne fort vite. Ils ajoutent de même, que le Saint-Esprit est envoyé dans le monde. Et qu'ensuite, il est envoyé en détail à chaque particulier à qui la faveur en est accordée que cet homme est régénéré, reprend l'activité, est échauffé et rendu bouillant par la vertu, et par le concours de l'esprit. Recevant toutes les écritures, tant du Vieux que du Nouveau Testament, ils se servent de quelques endroits singuliers. Le premier est celui où Dieu dit à Moïse, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Seigneur, Deutéronome 6, 4. Tu ne te feras point d'autre Dieu, Exode 23. Tu n'auras point des dieux nouveaux. Car je suis le Dieu premier et le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. » Ils allèguent aussi tous les autres endroits semblables à celui-là qu'ils croient confirmer leurs sentiments, comme aussi ces paroles de l'Évangile. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi, et les deux sommes un. » Jean 10, 38, 10, 30 et 17, 22. On voit là tout le plan de Sabellius, et les principaux passages de l'Écriture sur lesquels il fondait son système. Il n'y avait, selon lui, qu'une seule personne divine, comme il n'y a qu'un soleil, et comme un individu parmi les hommes, est une seule personne. Mais cette personne divine ne demeurant unique avait trois dénominations, celle de Père, celle de Fils, et celle de Saint-Esprit, et cette distinction n'était pas dans la personne, qui était toujours la même, mais dans ses manières d'être ou d'agir, à peu près comme on dit du même homme, qu'il a un corps, une âme et un esprit, et du même soleil, qu'il est un globe, qu'il éclaire, et qu'il échauffe. Il faisait pourtant sentir que ces images ne devaient point être pressées, et qu'il ne les employait, que comme des comparaisons extrêmement imparfaites. Ce qui était de réel, c'est qu'il n'y avait qu'une seule personne divine, et que selon la diversité de son existence, ou de ses opérations, cette personne unique était tout ensemble, et le Fils, et le Saint-Esprit. Il me semble, monsieur, que c'est là tout ce qu'on peut tirer de cet endroit de Saint Épiphane, et si vous daignez y réfléchir, ou vous ne concevrez plus rien à ce que dit l'auteur de la lettre au sujet du sabellianisme, ou vous conviendrez avec moi, qu'il ne s'entend pas lui-même ou qu'il équivoque à dessein. Page 10 à 11, les orthodoxes, dit-il, se croient fondés à trouver une grande différence entre leurs sentiments et ceux des sabelliens sur ce qu'ils accusent ceux-ci de ne considérer le Père, le Fils, et le Saint-Esprit que comme de simples attributs, et non pas comme des personnes, c'est-à-dire comme des êtres qui pensent. Dans cette opinion, ils croient avoir solidement réfuté leurs adversaires par les passages de l'Écriture qui nous représentent chacune des trois personnes comme un être qui pense et qui agit. Mais il me semble qu'on devrait avoir la charité et l'équité à l'égard de ceux qui ont des sentiments différents des nôtres, de ne les croire pas extravagants jusqu'au point de se figurer que ces trois dont nous parle l'Écriture ne sont que des attributs ou des opérations détachées de leur sujet qui est Dieu. Lesquels cesseraient par cela même d'être des attributs ou des opérations, et deviendraient des substances actives. Ils n'entendent sans doute autre chose sinon que chacun de ces trois est Dieu même se manifestant sous quelqu'un de ses attributs, ou bien opérant d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, les sabelliens que j'ai ici en vue, sont ceux qui ont les sentiments que je viens d'exposer. Parlons franchement, monsieur, comprenez-vous quelque chose à ce que vous venez de lire? Les sabelliens sont accusés à tort de considérer le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, non comme des personnes, mais comme de simples attributs, et ils sont mal réfutés par les passages de l'Écriture qui démontrent la réalité d'une distinction personnelle. Et pourquoi, je vous prie? C'est que les sabelliens ne peuvent avoir eu l'extravagance de croire que ces attributs fussent des personnes, ou des substances actives, et qu'ils doivent avoir voulu dire que ces attributs étaient attachés à leur sujet qui est Dieu. Si ce ne sont pas là pour vous les ténèbres de l'Égypte, je vous en félicite de toute mon âme. Pour moi j'y comprends seulement, que l'auteur voudrait insinuer, que les sabelliens reconnaissaient une trinité de personnes, ce qui est notoirement faux, comme nous venons de l'apprendre de Saint Épiphane. Sabellius, et ses disciples, n'admettaient qu'une seule hypostase, qu'une seule personne, sous trois dénominations différentes, et qui demeurait toujours la même sous ces trois dénominations-là. Il s'était donc très solidement et très invinciblement réfuté par les passages de l'Écriture qui prouvent la réalité d'une distinction personnelle entre le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Mais voulez-vous que je convainque l'auteur de déguiser le sabellianisme, ou de ne le pas entendre? Voulez-vous, dis-je, que je le fasse par une autre démonstration historique? Je le ferai par l'exposé du sentiment de Noé, Notus. Ce Noé fut le maître de Sabellius, et ce dernier ne donne le nom à la secte, ou que parce qu'il fut plus connu que l'autre, ou que parce qu'il écarte les expressions les plus incommodes. Voici quelle était la doctrine de Noé, et quelles étaient ses expressions, au rapport de saint Épiphane, dans Contre les hérésies. Je crois à un seul Dieu, je connais un seul Dieu, et je n'en connais point d'autre, que ce seul Dieu, qui a été engendré, qui a souffert, et qui est mort. Les disciples de Noé s'exprimaient précisément comme lui. Nous disons qu'il n'y a pas plusieurs dieux, disait-il, mais qu'il y a un seul Dieu, le même qui est impassible, le même qui est le Père du Fils, le même qui est le Fils, et qui a souffert afin de nous sauver, par ses propres souffrances. Ces termes étaient des plus révoltants, tant à cause de la contradiction visible qui y régnait, qu'à cause de leur opposition formelle au langage de nos Écritures. On y avouait l'absurdité et l'innovation d'une manière trop crue. Cependant Noé ne fut pas le premier qui eut cette hardiesse ou cette imprudence. D'autres l'avaient déjà eu avant lui. Avant lui, Praxéas avait débité ceci à Rome, et Praxéas, voire Tertullianus, Anversus Praxeam chapitre 1, lui-même l'avait appris dans l'Asie. Tertullien, de qui nous tenons ce fait, expose en peu de mots ce sentiment paradoxe de la manière suivante. Le diable s'y prend en diverses manières pour nuire à la vérité. Il a quelquefois fait mine de la défendre, à dessein de l'ébranler. Il soutient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout puissant et créateur du monde, afin de tirer, de cette unité de Dieu, la matière d'une hérésie. Il dit que le Père lui-même est descendu dans le sein de la Vierge, que le même en est né, que le même a souffert, et que le même est enfin Jésus-Christ. Sabellius, plus adroit, évita ces expressions révoltantes, mais d'ailleurs il ne changea rien au système, il admit trois dénominations différentes, et se ménagea par ce moyen l'avantage de pouvoir par le langage reçu parmi les chrétiens, et que l'Écriture sainte elle-même a parlé. Cependant cette trinité de dénomination n'étant selon lui que de la même personne, il retombait réellement dans l'absurdité de Noé, quoiqu'il parût s'en éloigner dans les termes. Car s'il n'y a en Dieu qu'une seule personne, il faut de toute nécessité que ce soit la même personne, qui se soit incarnée, et qui ait souffert pour nous, sous un nom différent de celui qu'elle porte quand on la considère par rapport à la création du monde. Prenons l'exemple d'un prince, qui peut être considéré sous la qualité de roi, sous celle de législateur, et sous celle de général. Si je dis que ce général a été battu, que ce législateur a fait de mauvaises lois et que ce roi était un tyran, de qui dis-je tout cela que d'une seule et même personne, et ne serais-je pas dans le vrai, si je disais que ce roi perdit une bataille, et fut mauvais justicier? L'autre manière est plus civile, elle est plus délicate, mais enfin elles reviennent toutes deux à la même chose. L'application est aisée. Noé disait grossièrement que Dieu n'étant qu'une seule personne, cette même personne avait créé le monde, et souffert sur la croix. Sabellius plus subtil, disait, que cette seule personne considérée à divers égards, était nommée le Père, quand elle créait le monde, et se nommait le Fils quand elle mourut pour notre rédemption. Le système du maître et du disciple était donc absolument le même, avec la seule différence des expressions que le dernier avait adoucies. C'était le même principe, et c'était aussi les mêmes preuves, comme on peut s'en assurer aisément lorsque l'on jette les yeux sur ce que saint Épiphane en a dit. Ainsi les expressions de Sabellius ne se doivent prendre que dans le sens de Noé, et par conséquent l'auteur de la lettre déguise le sabellianisme, ou témoigne ne le pas connaître, lorsqu'il tâche d'insinuer que les sabelliens, page 11, sont accusés à tort, de ne considérer le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, que comme de simples attributs, et non comme des personnes. Que ce soit ignorance ou prévarication de sa part, il ne m'importe guère, mais il faut nécessairement que ce soit l'un ou l'autre. N'en déplaise donc à ces décisions, je persiste dans l'accusation que les orthodoxes intentent aux sabelliens, et je crois avoir prouvé, démonstrativement, que ces derniers n'entendent par le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, que trois manières d'être ou d'agir de la divinité, fondées sur les passages de l'Écriture, qui établissent l'unité numérique de Dieu. Ils nièrent qu'il y eut plusieurs personnes qui fussent Dieu. Ils soutinrent qu'il n'y avait en Dieu qu'une seule hypostase, ou qu'une seule personne, et que cette personne, numériquement unique, était diversement nommée le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit selon la diversité des égards, ou des opérations. De plus, Noé établit, par une conséquence nécessaire de ses principes, que le Père était la même personne qui s'incarna pour notre salut, ce que Sabellius s'abstint de dire, par de pures raisons de prudence. J'ai fixé l'idée du sabellianisme, il ne me reste plus qu'à voir si cette idée est celle de l'auteur de la lettre. Mark M. Dan, archive.org d'après books.google.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.